police, on la baise, on la diabolise. Parce que c'est comme ça, j'en rajoute pas. Je vais en bus à l'école publique. Papa venait me chercher en Laguna. L'État s'enrichit, peuple agonise. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Faire le bien, c'est pas leur devise. Les médias, la télé, je suis plus dedans. Et pour sortir ce que j'ai du mal à dire, j'ai fumé, je bois. Mélange les deux chez le Jaconis. Sous un ciel couleur laponie. Mamie m'a vu grandir en quelques secondes. Je la vois vivre au ralenti. Elle pourrait porter les peines de ce monde. Et puis grave ses histoires à des Yonklis. Un jour dans ma aérienne, une descente de police. Des ballons même ricochés sur les murs. Maman s'est cachée sous le canapé. Elle m'a dit la vie est faite que pour les dieux. Je viens de loin moi et ce monde me le rappelle sans cesse. Je traîne dans le bendo, je peux pas m'en aller. Fais ma vie loin du texte, proche des palmiers. Je reste dans ma zone étoile éparpillée. On pouvait que mailler, on pouvait que mailler. Mais qui peut faire taire ces voix dans ma tête? Je suis né sur la terre, mais mon âme cherche à s'envoler. Je parle de toi, mais faut pas t'emballer. Je voulais dire du mal, mon message veut pas s'envoyer. Y'a du bien, y'a du mal dans ma vie. Oui, on a fait du sale dans la ville. J'ai des problèmes, j'en parle dans la zée. C'est mieux que de les noyer dans la tisse. Et j'suis très froid au premier abord. Si tu vois mes snaps, bah tu le sauras pas. J'suis un humain, j'suis pas qu'un rappeur. Ils me voient juste comme un produit qui rapporte. Mais j'les comprends, c'est vrai qu'on fait beaucoup. Tous les week-ends, je remets des lucas. Et le public se lève comme une bécane. Où les 5-9, c'est nous demande à bécane. Le cœur rempli d'épines comme un bouquet. Quand on allait voler dans les bocards. Ils nous pointaient du doigt, ils nous snobaient. Maintenant, c'est à la télé qu'ils nous regardent. J'voulais tout arrêter, mais pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. J'suis tombé, j'me suis relevé comme un con. Comme un con. Le succès moi comme un con. J'traîne dans le bendo, j'peux pas m'en aller. J'voudrais faire ma vie loin du texte, proche des palmiers. J'reste dans ma zone étoile éparpillée. On pouvait que mailler, on pouvait que mailler. Mais qui peut faire taire ces voix dans ma tête? J'suis né sur la terre, mais mon âme cherche à s'envoler. J'parle de toi, mais faut pas t'emballer. J'voulais dire du mal, mon message veut pas.